Nos concitoyens ont besoin, en effet, de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle. La culture est essentielle, c'est ce qu'affirmait Emmanuel Macron le 24 novembre. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui changent en 3 semaines. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vais quand même vous parler d'un film qui sera à voir en salle à la réouverture, à savoir Miss de Ruben Alves. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4... Voilà. Oh, t'as achevé. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Hey, ils vont te recaler à l'entrée. Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication? Il n'y a pas ma taille. Il y a des perches jusqu'au 41. Je fais du 42. Si vous êtes familier de ce podcast, le nom de Ruben Alves vous dit sûrement quelque chose, et à juste titre d'ailleurs, parce que on en a déjà parlé de son premier long métrage, qui était La Cage Dorée, qui était sorti en 2013. Et donc Miss, c'est son retour après 7 ans, 7 ans d'absence au cinéma. Et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. Pour couper court à tout débat, j'ai préféré La Cage Dorée. Après, je ne suis pas tellement objectif, puisque je pense quand même qu'objectivement le film reste meilleur, mais j'ai préféré La Cage Dorée quand même largement, parce que voilà, forcément ça parle du Portugal, des Portugais, de mes racines, donc forcément j'ai plus d'attache à ce film. Alors Miss, ça raconte l'histoire de Alex qui étant enfant, rêve de devenir Miss France. Voilà. Alors que les autres garçons de son âge rêvent d'autres choses. Voilà, tout simplement, c'est un rêve un peu atypique. Voilà, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, les autres enfants, ça c'est, je spoil rien, c'est dans la scène d'intro. Les autres enfants se moquent de lui à cause de ce rêve, tout simplement. Voilà. 15 ans après, il est un peu paumé dans sa vie, il n'a plus trop confiance en lui, il est dans une coloc avec une galerie de personnages tous aussi improbables les uns que les autres, et il va retomber sur un ami d'enfance à lui, qui lui a réalisé son rêve, et qui est devenu, je crois, c'est un champion de boxe, et je crois qu'il va faire les JO, voilà. Et du coup, ça va réveiller quelque chose dans Alex qui va se dire, si lui a réalisé son rêve, je peux réaliser mon rêve aussi. Et donc du coup, il va se présenter au concours Miss France, tout en cachant le fait que c'est un garçon. Alors, on est obligé d'aborder, puisque ça fait débat, transidentité ou pas transidentité. Mon avis, il est très simple. Pour moi, même si ça s'en rapproche beaucoup sur certains points, le film ne parle pas de transidentité. Voilà. Alors, je vais déjà, encore une fois, recouper court à toute discussion. Je ne suis clairement pas le mieux placé pour parler de ça. C'est pour ça que je ne vais pas tellement m'attarder dessus. Mais pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche qu'Alex est un garçon. Alors, certes, c'est un garçon qui se sent plus fort en femme, mais ce n'est pas un garçon qui se sent femme. Voilà. Il y a pour moi, c'est ça qui fait toute la différence, en fait, et qui prouve que le film ne parle pas de transidentité. Alors, attention, je ne dis pas que le film n'aborde pas du tout cette question, mais vraiment, je parle vraiment pour ce qui est du personnage d'Alex, le personnage principal, voilà, pour être clair. Voilà, pour moi, il n'y a pas de question de transidentité. Alors, bien sûr, évidemment que il y aura des concordances avec des films qui parlent de transidentité et même des concordances avec la transidentité de court, mais pour moi ce n'est pas un film qui parle de ça. Voilà, même si ça peut être assez tricky, je le reconnais, pour moi ce n'est pas un film qui parle de ça. Ensuite, deuxième débat directement lié, pourquoi ce n'est pas un acteur trans qui joue Alex? Déjà, premièrement, si on part de mon point de vue que ce n'est pas un trans, du coup, il n'a pas à être joué par un acteur trans, forcément. Voilà, tout simplement. Après, même si Alex était un trans, pour moi, c'est mieux, d'accord. C'est mieux qu'il soit joué par un trans, c'est effectivement, voilà, qui vit cela tous les jours et qui représente, voilà, qui sait comment... comment un trans vit, comment il reçoit la réaction des gens, qu'est-ce qu'il subit tous les jours, parce que oui, malheureusement, ces personnes-là se mangent énormément de haine tous les jours, voilà. Donc évidemment que c'est mieux, parce qu'un trans comprendrait mieux le personnage, mais on reste dans un cinéma. On reste dans le cinéma, c'est comme dans le théâtre, on joue un rôle. Donc jouer un rôle, ça veut aussi peut-être parfois dire jouer qui on est, et souvent d'ailleurs, jouer qui on n'est pas dans la vraie vie. Et donc ce n'est pas un problème parce que ça reste un rôle, voilà, tout simplement. Fermons la parenthèse, Ruben Alves, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son style de réalisation. Je vais raconter l'anecdote maintenant parce que je vais forcément la caler. J'ai eu une séance un peu spéciale pour Miss, c'est-à-dire que c'était les premières séances à 8h après l'instauration du couvre-feu par le gouvernement. Et donc, le MK2 Bibliothèque avait mis le paquet. C'est-à-dire que on arrivait, ils nous offraient les croissants. Il y avait Miss, justement, Ruben Alves et Alexandre Wetter, l'acteur principal, donc venaient nous rencontrer. Donc vraiment, ils avaient mis le paquet. Et ça m'avait convaincu. Voilà, ça m'avait convaincu de me lever à 7h pour aller au cinéma. Et donc, j'ai vu, on était vraiment pas beaucoup dans la salle. Mais on avait une salle d'une qualité incroyable. Voilà, c'est-à-dire que... Donc il y avait le réalisateur et l'acteur qui sont venus, mais en plus qui sont restés pour le film, il y avait l'actrice qui joue Miss Corse, voilà, qui était dans la salle, qui était à deux rangs de moi, donc bon, c'est toujours cool, voilà, on a pu échanger à la fin, c'était marrant, et très très très agréable, voilà. Et il y avait une dame qui a dit que sa fille avait écrit le scénario avec Ruben Alves. J'ai grandement parlé à cette dame à la fin pour lui dire de féliciter sa fille parce que je trouve le scénario et en particulier les dialogues absolument géniaux. Il y a plein de phrases, mais absolument, enfin des punchs absolument folles, et le personnage qui résume le mieux ça, c'est le personnage d'Isabelle Nanty. Chaque phrase est un délice. C'est-à-dire qu'elle va critiquer le système Miss France, mais tout le long du film, et chaque réplique est un régal. À un moment, il y a la directrice du comité qui lui dit « Mais vous n'êtes pas fier d'elle ?» Il dit « Mais il y a un truc du genre, mais pourquoi je devrais être fier d'elle ? Vous allez la donner en pâture aux gens, traduction, vous allez la sexualiser, la rendre la plus attractive possible pour que les gens se jettent dessus, vous allez en faire un bout de viande, voilà. » Elle n'y va pas avec des pincettes, elle y va vraiment, vraiment attaque frontale, voilà, attaque frontale. Et il y a d'autres dialogues, il n'y a pas que ce personnage qui lance des dialogues qui sont un délice, mais c'est principalement ce personnage. Alors, Alexandre Wetter, que je ne connaissais absolument pas, clairement, c'est la première fois que je vois un film avec lui. Et franchement, je l'ai trouvé extrêmement convaincant. Ça se voit d'ailleurs aussi bien dans le film que quand il nous a parlé, qu'il a vraiment mis un bout de son âme dans son film, que c'est un film qui lui tient vraiment à cœur. Et voilà, ça se ressent dans sa performance, et c'est un très bon comédien. Pour le reste, c'est du très très classique. On retrouve par exemple un acteur que j'aime beaucoup, qui est Moussa Mansali, voilà, que j'aime beaucoup, qui a joué notamment dans La Vie scolaire, ou dans Validé, ou dans Tout simplement Noir, plus récemment, voilà, dont j'ai déjà parlé. Et c'est, voilà, c'est franchement classique, ça fait une belle galerie de personnages, hein, assez extravagants, tous les uns que les autres. Donc j'ai l'habitude de détailler point par point à chaque fois dans les podcasts, là c'est un peu comme Relique, je ne me souviens plus de la BO. Autant j'ai vu Adieu les cons juste après, alors les deux films ne m'ont pas marqué pareil, mais les deux films m'ont marqué. Autant la BO d'Adieu les cons, je m'en souviens parfaitement, autant la BO de Miss... je suis un peu passé à côté, quoi, apparemment. Même s'il y a un morceau qui m'est resté en tête, qui est franchement pas mal. J'ai trouvé ça très très très beau visuellement. Voilà, Ruben Alves, de toute façon, même la cage dorée, c'était très beau visuellement. Il sait gérer les couleurs, etc. Et voilà, surtout la gestion des couleurs, en fait, qui rend vraiment le film beau. Et il y a un bel éclairage aussi, je trouve. Voilà, Ruben Alves qui montre qu'il n'a pas perdu de son talent, même après 7 ans, sans faire de film. Et c'est absolument fabuleux, et j'espère qu'il ne va pas re-attendre 7 ans avant de faire un film, parce que je veux pas, en fait, parce que j'aime beaucoup trop ce réalisateur. Il a la faculté, et il le fait très bien, d'être... presque dans le cliché, mais de pour autant ne pas être irrespectueux dans ce cliché, être vraiment à la limite entre l'irrespectueux et l'acceptable. Et je trouve ça absolument fabuleux, voilà, clairement, de comment il arrive à traiter des sujets qui peuvent parfois être compliqués à aborder, qui peuvent parfois être épineux, Et voilà, j'espère qu'il va continuer à faire des films, et moi je le soutiens à fond, voilà. Même s'il y a eu des polémiques, moi je soutiens ce réalisateur à fond. Alors bon, pour ceux qui n'aimeraient pas ce film à cause des questions de transidentité que j'ai abordées, soyez bien présents demain, parce que demain on va parler d'un autre film qui aborde ça d'une manière différente. Donc voilà, je vous dis pas plus, vous verrez. Pour résumer, voilà, je vais pas épiloguer parce que j'ai pas forcément grand chose à dire en fait. Nice, c'est un film qui est à la fois simple et un peu complexe et qui va fortement marcher. Voilà, il faut juste s'asseoir devant et regarder, profiter et laisser le film faire effet. C'est même pas forcément un truc qu'il faut suranalyser. C'est un film qui va quand même instaurer une réflexion sur la féminité et qu'est-ce que la féminité. Et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir cette réflexion plutôt que de suranalyser le film, de suranalyser la réalisation, la mise en scène, etc. Même si c'est très bon. Donc voilà, juste aller voir Nice, voilà, parce que c'est. Encore une fois, j'ai parlé beaucoup de cinéma français. Sur 5 films, j'ai parlé de 3 films dans le cinéma français, mais parce que le cinéma français, c'est un tiroir à pépites, et voilà, Miss, c'est vraiment, vraiment, vraiment super sympa, c'est vraiment un très bon film. J'ai beaucoup apprécié cette séance, voilà, on rigole aussi, on rigole, c'est une belle comédie. Il s'axe, crée l'émotion quand il faut, voilà, il y a tout. Du coup, je vais, comme d'habitude, conclure par dire. À quelle fréquence le film sera disponible, enfin à quelle fréquence j'entends s'il sera beaucoup trouvable ou pas. Je pense qu'il sera vraiment beaucoup trouvable pour le coup, puisqu'il est distribué par Warner premièrement, et qu'il est sorti le 21 octobre, soit une semaine avant le confinement. Donc je pense qu'il aura une belle exploitation encore et qu'il sera trouvable partout. Donc n'hésitez pas à tenter d'aller voir ce film. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial. Alors encore une fois, comme je dis, vous pouvez après tout à fait venir me voir en me disant j'ai vu Miss, j'ai pas du tout aimé. J'accepterai par contre si quelqu'un vient me voir en me disant ah non, j'ai pas envie de voir ça, c'est nul. Bah non, voilà. Ayez au moins la curiosité d'aller voir le film, et si vous aimez pas, c'est pas grave, c'est votre droit, c'est le jeu, certains aiment, certains n'aiment pas, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était mon dernier film que j'ai vu en salle et qui va revenir, que je vous conseille. Donc demain, comme je l'ai annoncé, on partira sur un film à voir à la maison et une série pour pallier le fait que je serai absent pendant plusieurs jours. Et donc j'espère que cet épisode vous a plu et que je vous ai convaincu d'aller voir ce film. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain pour un de mes films préférés de cette année 2020. We're already halfway there. Are we gonna